bien choqué. Là où même les meufs bédavent troquer. Le mec trop con, dans mon rap le crâne sur t'es bloqué. Tu veux te moquer toi sur le peloton d'exécution ploté. Le sein de la vie où le téton et le bif ton côté. Du 9-2 au 9-4 exporté. Sur les ondes, moi le descendant déporté. Noté ma prestation là où les autres ronflent et me gonflent. Et doté de qualité dans le rap jeu. Hey, vas-y tire sur la groupie. Si tu percutes la mort je la détiens, c'est que je t'ai détruit. Un rap pas effet de souffle, un taf sans cran de sûreté. On se maintient toujours éveillé. Mais le scaphandre ça crache des frappes biologiques. Bouffe tes anticorps de l'intérieur, pas de balistique. Vas-y chope l'antidote, HF funeste. T'es prêt à prendre des rafales, satellite sans voir 200. HF funeste, effet de souffle. Des têtes explosent, des textes avec dose de souffle. Funeste, effet de souffle. HF, on sent nos têtes, tu couvres. HF funeste, effet de souffle. Des têtes explosent, des textes avec dose de souffle. Funeste, effet de souffle. HF, on sent nos têtes, tu couvres. HF, c'est caisse claire et boum. Encaisse chaque piste, nos bacs seuls te goûtent. Fais-toi zirpler, à pic tout pète. Emmène les deps, les blarfs et toutes les gonzesses. On baisse les démineurs et leur équipe de bâtards. Des bâtons bien placés, j'allume la mèche. Et toi le connard, dis pas qu'on t'a pas prévenu. Mets-toi à l'abri du HF funeste. Continue. H, laisse-moi causer avant que ça ne fasse plus d'effet. Je laisse la peur au plus faible. Dehors c'est sombre comme mon esprit. On me laisse pas le temps démarrer. On voudrait que je m'égare. Ne savent pas que je traquerai au sonar. Tous ces bâtards qui ne veulent pas que j'émerge du noir. Faut comprendre que t'es la cible. Tu vas sauter, faire souffler avec l'effet qu'on veut. Si t'en sors, crois-moi, c'est qu'on l'a voulu. HF funeste, effet de souffle. Des têtes explosent, des textes avec dose de souffle. Funeste, effet de souffle. HF, on sent nos têtes, tu couvres. HF funeste, effet de souffle. Des têtes explosent, des textes avec dose de souffle. Funeste, effet de souffle. HF, on sent nos têtes, tu couvres. Irrécité, marime acide, cité. HLM aussi, qu'illusion de réussite. Ne pas percer dans le rap, un homicide. Je reprends mon souffle, temporise salement. Tellement que le tourment, la peine, la haine se fait sans calmant. Je relâche mon souffle. Y'a trop de mythos qui jouent au mentor. Sens et conscience, alcool, sexe, drogue, fric, diluée dans le sang. Qu'importe ta couleur de peau, là les composants. Les tympans sautent, des pertes et des blessés. Des traces très lourdes, HF, FNEST. Tu t'attendais à quoi, petit? Lorsque d'antipersonnel, tu nous écoutes en pissant assis. Assis, et ferme ta bouche. Du rap encore sale, du comité, beaucoup se couchent. Boum, et tout explose. Un effet de souffle, depuis qu'on s'expose. HF, funeste, effet de souffle. Des têtes explosent, des textes avec dose de souffle. Funeste, effet de souffle. HF, on sent nos têtes, du coup. HF, funeste, effet de souffle. Des têtes explosent, des textes avec dose de souffle. Funeste, effet de souffle. HF, on sent nos têtes, du coup.